Je débarque et ça fait clic bras. Mais qu'est-ce qui se passe? J'envoie des rimes, t'esquives pas. La bêtise parle, appelle ça exercice de style. Parce que sans faire Steve, pédale, j'kiffe les sons festifs. Viens pas médire sur mes deals, sur ma thèse. 2000 habitants, soi-disant ça rapèse. Mais pas de stress, le rap, je le pèse. Et de fond, j'éclabousse et t'as de boost qui font les jalouses. Je les rends pas tous, j'gratte autant de kilomètres qu'avec le boost tendu. Rien à foutre de ce que t'en dis, t'es sous-entendu. Le buzz avant tout, j'm'arrange pour kiffer sur scène. T'as jacté sans sursis, deux fois plus tard, j'avais mon succès. Tu veux que la prestance change pas la fréquence? Parce qu'à peine j'entre et les rois deviennent des servantes. C'est du S ou un tax, si tu fouettes, j't'abasse à coup de rime. J'nique la couronne et les groupies, mes couplets fracassent, fracassent. Journée porte ouverte pour le rap sale, pour le rap sale. C'est du S ou un tax, si tu fouettes, j't'abasse à coup de rime. J'nique la couronne et les groupies, mes couplets fracassent, fracassent. Journée porte ouverte pour le rap sale, pour le rap sale. Et ouais, j'rappe pépère, j'raconte pas de pipo. J'éradique le pipelette, c'est rapide, papé. Toi tu veux palper, grailler sous les palmiers. M'en parle pas, ton ambition, elle m'a épargné. Mais j'peux pas chier là, appelle-moi les sales tox. Vois les dégâts, c'est de la vocal box. Un gros ras-le-bol, c'est pour ceux qui parlent pas de boule, qui portent pas de cagoule, qui assument le sale bouille, qui jouent pas les gargouilles. J'viens vous narguer, tu frimes avec ton argile. Mais départ, toi t'es largué, tu critiques mon argot. Tu t'irrites sur l'arfo, mais au final, petite bite, ta musique est ça bataille pour la maille et ça taille, ça fait la star. Parle de calage et t'as de garde, arrête ta farce, ta force, t'es du texte fouette. Y'en a pas de latex, si le reste du S ou un tax. Si tu fouettes, j't'abasse à coup de rime. J'nique la couronne et les groupies, mes couplets fracas, fracas. Journée porte ouverte pour le rap sale, pour le rap sale. Si du S ou un tax. Si tu fouettes, j't'abasse à coup de rime. J'nique la couronne et les groupies, mes couplets fracas, fracas. Journée porte ouverte pour le rap sale, pour le rap sale. Paraître que ça glisse, y'en a trop qui patinent, embourbés dans la frime et sans panique. Moi je m'en balais, besoin de personne pour remplir mon assiette. Grave mes sales textes à l'heure de la sieste. Je crois que la peste a niqué mes cassettes. MC pas net, l'authenticité s'achète pas. La star, c'est pas chétane pour briser vos masques. J'ai encore des tas de 16 bars. C'est du S ou un tas, si tu fouettes, j't'abasse, ça passe, ça passe, ça passe. Exercice de style, style, style. Mes couplets fracassent, fracassent. Journée porte ouverte pour le rap sale, pour le rap sale. C'est du S ou un tax, si tu fouettes, j't'abasse à coup de rime. J'nique la couronne et les groupies, mes couplets fracassent, fracassent. Journée porte ouverte pour le rap sale, pour le rap sale. C'est du S ou un tax, si tu fouettes, j't'abasse à coup de rime. J'nique la couronne et les groupies, mes couplets fracassent, fracassent. Journée porte ouverte pour le rap sale, pour le rap sale. C'est du S ou un tax, si tu fouettes, j't'abasse à coup de rime. J'nique la couronne et les groupies, mes couplets fracassent, fracassent. Journée porte ouverte pour le rap sale. C'est du S ou un tax, si tu fouettes, j't'abasse à coup de rime. J'nique la couronne et les groupies, mes couplets fracassent, fracassent. Journée porte ouverte pour le rap sale, pour le rap sale. C'est du S ou un tax, tax, tax.